Chapitre 2e, Altotas. Le voyageur se trouve alors en face d'un vieillard aux yeux gris, au nez crochu, aux mains tremblantes mais actives, qui, enseveli dans un grand fauteuil, compulsait de la main droite un gros manuscrit de parchemin, intitulé « La cave del gabinetto », et tenait de la main gauche une écumoire d'argent. Cette attitude, cette occupation, ce visage horrible immobile, et dont les yeux et la bouche seuls semblaient vivre, ce tout enfin, qui paraîtra sans doute étrange au lecteur, était certainement bien familier à l'étranger, car il ne jeta pas même un regard autour de lui, quoique l'ameublement de cette partie du coche en valût bien la peine. Trois murailles, le vieillard, on se le rappelle, nommait ainsi les parois de la voiture, trois murailles, chargées de casiers qui eux-mêmes étaient pleins de livres, enfermaient le fauteuil, siège ordinaire et sans rival de ce personnage bizarre, en faveur duquel on avait ménagé au-dessus des livres des tablettes où l'on pouvait placer bon nombre de fioles, de bocaux et de boîtes enchâssées dans des étuis de bois, comme on fait de la vaisselle et des verreries dans un navire. À chacun de ces casiers ou de ces étuis, le vieillard, qui paraissait avoir l'habitude de se servir tout seul, pouvait atteindre en roulant son fauteuil, qu'arrivait à destination il haussait ou abaissait à l'aide d'un cric attaché au flanc du siège et qu'il faisait jouer lui-même. La chambre, appelons ainsi ce compartiment, avait 8 pieds de long, 6 de large, 6 de haut, en face de la portière, outre les fioles et les alambics, s'élevait plus rapproché du 4e panneau resté libre pour l'entrée et la sortie, s'élevait, disons-nous, un petit fourneau avec son auvent, son soufflet de forge et ses grilles. C'était ce fourneau, employé en ce moment à chauffer à blanc un creuset et à faire bouillir une mixture qui laissait échapper dans ce tuyau que nous avons vu sortir par l'impérial, cette mystérieuse fumée, sujet incessant d'étonnement et de curiosité pour les passants de tout pays, de tout âge et de tout sexe. En outre, parmi les fioles, les boîtes, les livres, les cartons semés à terre avec un pittoresque désordre, on voyait des pinces de cuivre, des charbons trempant dans différentes préparations, un grand vase à moitié plein d'eau, et pendant au plafond à des fils, des paquets d'herbes qui semblaient, les unes récoltées de la veille, les autres cueillies depuis 100 ans. Cet intérieur exhalait une odeur pénétrante que dans un laboratoire moins grotesque on eût appelé un parfum. Au moment où entrait le voyageur, le vieillard, roulant son fauteuil avec une adresse et une agilité merveilleuses, se rapprocha du fourneau et se mit à écumer sa mixture avec une attention qui tenait du respect. Puis, distrait par l'apparition qui s'offrait à lui, il renfonça de la main droite le bonnet de velours, jadis noir, qui empaquetait sa tête jusqu'au-dessous des oreilles, et duquel s'échappaient quelques mèches rares de cheveux brillants comme des fils d'argent, retirant de dessous la roulette de son fauteuil, avec une dextérité remarquable, le pan de sa longue robe de soie ouatée, que 10 ans d'usage avait transformé en une guenille sans couleur, sans forme et surtout sans continuité. Le vieillard paraissait être de fort mauvaise humeur, et grommelait tout en écumant sa mixture et en relevant sa robe. « Il a peur, le maudit animal, et de quoi, je vous le demande ?» Il a secoué ma porte, ébranlé mon fourneau et renversé un quart de mon élixir dans le feu. Acharat, au nom de Dieu, abandonnez-moi cette bête-là dans le premier désert que nous traverserons. » Le voyageur sourit. « D'abord, maître, dit-il, nous ne traverserons plus de désert puisque nous sommes en France. Et ensuite, je ne puis me décider à abandonner ainsi un cheval de 1000 louis, ou plutôt, qui n'a pas de prix, étant de la race d'Alborache. 1000 louis, 1000 louis, je vous les donnerai quand vous voudrez les 1000 louis ou leur équivalent. Voilà plus d'un million qu'il me coûte à moi votre cheval, sans compter les jours d'existence qu'il m'enlève. Qu'a-t-il donc fait encore ce pauvre Jérid? Voyons ce qu'il a fait. Il a fait que quelques minutes encore, et l'élixir bouillait sans qu'une seule goutte s'en fût échappée, ce que n'indique, il est vrai, ni Zoroastre, ni Paracels, mais ce que recommande positivement Bory. Eh bien, cher maître, encore quelques secondes et l'élixir bouillira. Ah oui, bouillir, voyez Acharat, c'est comme une malédiction, mon feu s'éteint, je ne sais ce qui tombe par la cheminée. Je le sais, moi, ce qui tombe par la cheminée, reprit le disciple en riant, c'est de l'eau. Comment de l'eau? De l'eau, eh bien, alors voilà mon élixir perdu. C'est encore une opération à recommencer, comme si j'avais du temps à perdre. Mon Dieu, s'écria le vieux savant, en levant les mains au ciel avec désespoir. « De l'eau, et quelle eau, je vous le demande, Acharat ?»« De l'eau pure du ciel, maître. Il pleut à verse. Ne vous en êtes-vous pas aperçu ? Est-ce que je m'aperçois de quelque chose quand je suis à l'œuvre ?»« De l'eau, c'est donc cela. Voyez-vous, Acharat, c'est impatientant sur ma pauvre âme. Comment ? Depuis 6 mois, je vous demande une mitre pour ma cheminée. Depuis 6 mois ? Que dis-je ? Depuis 1 an ? Eh bien, vous n'y pensez jamais. Vous qui n'avez que cela à faire, cependant, puisque vous êtes jeune. Qu'arrive-t-il grâce à votre négligence ? C'est que la pluie, aujourd'hui, c'est que le vent, demain, confond tous mes calculs et ruine toutes mes opérations. Et pourtant, il faut que je me presse par Jupiter. Vous le savez bien, mon jour arrive. Et si je ne suis pas en mesure pour ce jour-là, si je n'ai pas retrouvé l'élixir vital, adieu le sage, adieu le savant Altotas. Ma 100e année commence le 13 juillet, à 11 heures précises du soir. Et d'ici là, il faut que mon élixir ait atteint toute sa perfection. Mais cela se prépare à merveille, il me semble, cher maître, dit Acharat. Sans doute. J'ai déjà fait des essais par absorption. Mon bras gauche, à peu près paralysé, a repris toute son élasticité. Puis je gagne le temps que je mettais à mes repas, puisque je n'ai plus besoin de manger que tous les 2 ou 3 jours, et que dans l'intervalle, une cuillerée de mon élixir, tout imparfait qu'il est encore, me soutient. Oh, quand je pense qu'il ne me faut probablement qu'une plante, qu'une feuille de cette plante, pour que mon élixir soit complet, que nous avons peut-être déjà passé 100 fois, 500 fois, 1000 fois près de cette plante, que nous l'avons peut-être foulée au pied de nos chevaux, sous les roues de notre voiture, Acharat, cette plante dont parle Pline, et que les savants n'ont pas retrouvée ou n'ont pas reconnue, car rien ne se perd. Tenez, il faudra que vous demandiez son nom à Lorenza pendant une de ses extases, n'est-ce pas ? Oui, maître, soyez tranquille, je le lui demanderai. En attendant, dit le savant avec un profond soupir, voilà encore pour cette fois mon élixir manqué. Il me faut 3 fois 15 jours pour arriver où j'en étais aujourd'hui. Vous le savez bien. Prenez-y garde, Acharat. Vous perdrez au moins autant que moi le jour où je perdrai la vie. Mais quel est donc ce bruit ? La voiture roule-t-elle ? Non, maître, c'est le tonnerre. Le tonnerre ? Oui, qui a même failli nous tuer tout à l'heure. Tous tant que nous sommes et moi particulièrement. Il est vrai que j'étais habillé de soie, ce qui m'a garanti. Eh bien voilà, dit le vieillard en frappant sur son genou qui résonna comme un os vide. Voilà à quoi m'exposent vos enfantillages, Acharat. À mourir par le tonnerre, à être tué bêtement par une flamme électrique que je forcerais, si j'avais le temps, à descendre de mon fourneau pour faire bouillir ma marmite. Ce n'est donc pas assez d'être exposé à tous les accidents provenant de la maladresse ou de la méchanceté des hommes. Il faut que vous m'exposiez encore à ceux qui viennent du ciel, à ceux qui sont les plus faciles à prévenir. Pardon, maître, mais vous ne m'avez pas encore expliqué. Comment ? Je ne vous ai pas développé mon système des pointes, mon cerf-volant conducteur. Quand j'aurai trouvé mon élixir, je vous le redirai encore. Mais dans ce moment-ci, vous comprenez, je n'ai pas le temps. Ainsi, vous croyez qu'on peut maîtriser la foudre ? Non seulement on peut la maîtriser, mais la conduire où l'on veut. Un jour, quand ma 50aine sera passée, quand je n'aurai plus qu'à attendre tranquillement la 3e, je mettrai au tonnerre une bride d'acier et je le conduirai aussi facilement que vous conduisez Jérid. En attendant, faites mettre une mitre à ma cheminée, Acharat, je vous en supplie. Je le ferai, soyez tranquille. Je le ferai, toujours l'avenir, comme si l'avenir était à nous deux. Oh, je ne serai jamais compris, s'écria le savant, s'agitant sur son fauteuil et se tournant les bras de désespoir. Soyez tranquille, il me dit d'être tranquille, et dans 3 mois, si je n'ai point parachevé mon élixir, tout sera fini pour moi. Mais aussi, que je passe ma 50aine, que je retrouve ma jeunesse, l'élasticité de mes membres, la faculté de me mouvoir, et alors je n'aurai plus besoin de personne. On ne me dira plus « je ferai », c'est moi qui dirai « j'ai fait ». Pouvez-vous enfin dire cela à propos de notre grandeur ? Y avez-vous pensé ? Oh mon Dieu, oui ! Et si j'étais aussi sûr de trouver mon élixir que je suis sûr de faire le diamant ? Vous en êtes donc bien réellement sûr, maître ? Sans doute, puisque j'en ai fait déjà. Vous en avez fait. Tenez, voyez plutôt. Où ? Là, à votre droite, dans ce petit récipient de verre. Justement, vous y êtes. Le voyageur saisit avec avidité le récipient indiqué. C'était une petite coupe en cristal extrêmement fin, dont tout le fond était couvert d'une poudre presque impalpable et adhérente aux parois du verre. « De la poussière de diamant !» s'écria le jeune homme. « Sans doute, de la poussière de diamant. Et au milieu, cherchez bien. Oui, un brillant de la grosseur d'un grain de mil. La grosseur ne signifie rien. nous arrivons à réunir toute cette poussière, à faire du grain de mil un grain de chènevis, du grain de chènevis un poids. Mais pour Dieu, mon cher Acharat, en échange de cet engagement que je prends avec vous, faites mettre une mitre à ma cheminée et un conducteur à votre voiture, afin que l'eau ne tombe pas dans ma cheminée et que le tonnerre aille se promener ailleurs. Oui, oui, soyez tranquille. Encore, encore, avec son éternel, soyez tranquille, il me fait damner. Jeunesse, folle jeunesse, présomptueuse jeunesse, s'écria-t-il avec un rire funèbre, qui laissait voir sa bouche vide dedans, et qui sembla creuser encore les orbites profondes de ses yeux. « Maître, dit Acharat, votre feu s'éteint, votre creuset se refroidit. Qu'y avait-il donc dans votre creuset? Regardez-y. » Le jeune homme obéit, ouvrit le creuset, et trouva une parcelle de charbon vitrifié de la grosseur d'une petite noisette. « Un diamant ? » s'écria-t-il, puis presque aussitôt, « Oui, mais taché, incomplet, sans valeur. » « Parce que le feu s'est éteint, Acharat, parce qu'il n'y avait pas de mitre à ma cheminée, entendez-vous ? » ?»« Voyons, pardonnez-moi, maître, » dit le jeune homme en tournant et retournant son diamant, qui tantôt jetait de vifs reflets de lumière, tantôt restait sombre. « Voyons, pardonnez-moi, et prenez quelque nourriture pour vous soutenir. » « C'est inutile, j'ai bu ma cuillère d'élixir il y a 2 heures. »« Vous vous trompez, maître, c'est ce matin à 6 heures que vous l'avez bu. »« Eh bien, quelle heure est-il donc ? » ?»« Il est tantôt 2h30 du soir. »« Jésus ! » s'écria le savant en joignant les mains. « Encore une journée passée, enfuie, perdue. »« Mais les jours diminuent donc. »« Mais ils n'en ont plus 24 heures. »« Si vous ne voulez pas manger, dormez au moins quelques instants, maître. »« Eh bien oui, je dormirai 2 heures. » « Mais dans 2 heures, regardez à votre montre. Dans 2 heures, vous viendrez me réveiller, je vous le promets. »« Voyez-vous, quand je m'endors, Acharat ?» dit le vieillard d'un ton caressant. « J'ai toujours peur que ce ne soit dans l'éternité. Vous viendrez me réveiller, n'est-ce pas ?»« Ne me le promettez pas, jurez-le-moi. »« Je vous le jure, maître. Dans 2 heures, dans 2 heures. » On en était là, quand on entendit sur la route quelque chose comme le galop d'un cheval. Ce bruit fut suivi d'un cri qui exprimait à la fois l'inquiétude et l'étonnement. « Que veut dire encore ceci ?» s'écria le voyageur en ouvrant vivement la porte et en sautant sur la grande route sans employer l'aide du marchepied.